Chapitre 16e. Il est indispensable que, usant de notre privilège de narrateur, nous fassions franchir au lecteur une nouvelle période de 3 mois pour arriver aux dramatiques événements qui terminent cette véridique histoire. L'exploitation du placer marchait à souhait et procurait d'énormes bénéfices. Tous les Robinson étaient depuis 12 heures au Champ d'Or, sauf Madame Robin et ses 2 filles d'adoption, retenues au Hâtry par une indisposition de la femme de l'ingénieur. Robin avait demandé en toute hâte par M. Duvallon que certains faits mystérieux et complètement anormaux inquiétaient depuis plusieurs jours. À peine arrivé, il avait fait une rapide visite au chantier où les terrains alluvionnaires et les filons étaient simultanément traités. Une batterie de marteaux-pilons installée près de la crique fidèle fonctionnait admirablement sous l'excellente direction d'un jeune et intelligent Martiniquais arrivé depuis 1 mois de Fort-de-France. La machine à vapeur, chauffé au bois, sifflait, soufflait, renaclait, crachait ses jets de fumée, à la grande joie des ouvriers, que la vue de cet organisme de métal étonnait toujours. Les lourds bocards à tête d'acier s'élevaient d'un brusque mouvement et retombaient pesamment dans les auges de Moutouchi, à demi pleines de fragments de quartz aurifère. Les coups retentissaient sourdement dans l'immense vallée, pendant que l'opulent minerai, réduit en poussière impalpable, et lavé perpétuellement par un mince filet d'eau, s'amalgamait au contact du mercure. De nombreux travailleurs noirs, hindous ou chinois, évoluaient, traînant des brouettes ou poussant des wagonnets à roues pleines sur des rails de bois. D'autres s'escrimaient du pic ou de la pioche pour mettre à nu un chapeau de filon qu'ils débarrassaient des différentes couches de terre. D'autres, enfin, perçaient avec des fleurets de mine la dure substance rocheuse qui allait voler tout à l'heure en éclats sous l'irrésistible effort de la dynamite. Somme toute, le placer semblait en proie à la double fièvre de l'or et du travail. Rien, en apparence, ne semblait légitimer tout d'abord les appréhensions du directeur. « Je n'irai pas, » disait-il à Robin, jusqu'à prétendre que la révolte est dans l'air. « Mais j'ai ici près de 500 ouvriers. » Et j'ai eu plusieurs fois l'occasion de constater les manifestations d'un esprit de désordre, pour ne pas dire plus. Vous avez, mon ami, plein pouvoir pour récompenser les bonnes actions et punir les mauvaises. Nous avons la plus entière confiance en vous, et nous ne doutons pas que cette répartition ne soit absolument équitable. J'ai dû sévir 3 fois déjà et mettre à l'amende 3 noirs arrivés par le dernier convoi. C'est le seul moyen de répression que nous ayons sur les placers, et je n'en use qu'à la dernière extrémité. Quel a été l'effet de cette mesure disciplinaire? Déplorable. Les bons ouvriers ont naturellement applaudi, mais les mauvais, 50aine de drôles venus ici depuis 1 mois, ont cru devoir protester vivement. Et vous avez tenu bon, naturellement. Mais le lendemain matin, le niveau d'eau de la machine était brisé et le manomètre arraché. J'ai dû en confier la garde à des hommes sûrs qui veillent en armes et se relayent de 2 heures en 2 heures. Le jour suivant, en dépit de ces précautions, notre grande courroie de transmission que j'avais eu l'imprudence de laisser en place était coupée en 2 endroits. « Coupée, la courroie !» s'écria l'ingénieur, indigné de cette mutilation. Sa colère était d'autant plus vive que l'installation et la fabrication de cet organe essentiel de l'exploitation des quartz étaient son œuvre. Les courroies de cuir à portée de France étaient trop courtes et l'atmosphère saturée d'humidité les avait d'ailleurs promptement pourries. Robin avait alors eu l'idée de fabriquer un métier qui, par d'ingénieuses combinaisons, entrecroisait des fils de coton, de façon à former un tissu épais d'un 0,5 cm, large de 12 et d'une longueur indéfinie. Il avait obtenu de la sorte une excellente courroie de coton. Elle remplaçait d'autant plus avantageusement celle de cuir qu'elle avait été caoutchoutée au moyen du suc de balata. Cette courroie, imperméable et imputrescible, rendait donc d'inestimables services à l'exploitation. Le dommage, reprit Duvallon, a été réparé séance tenante. Nous avons heureusement tous nos appareils en double. C'étaient là de graves symptômes dont il importait de rechercher la cause afin d'en prévenir efficacement les effets. Je me suis livré à une minutieuse enquête qui est venue se briser contre l'invincible entêtement de mes ouvriers, même des meilleurs. Peut-être les coupables ont-ils usé d'intimidation? À n'en pas douter. Mais je ne puis accuser personne car les complices sont nombreux, à coup sûr. J'ai pris alors un moyen héroïque. J'ai congédié hier 50 mineurs, dont 25 m'ont quitté aujourd'hui même les chantiers. Très bien. Ces hommes sont, ainsi que je vous l'ai dit, les derniers venus ici. Ils se signalent par leur paresse et leur mauvais esprit. ce sont des drôles qui font leurs philosophes, comme disent les chefs de chantier. Quelques-uns d'entre eux appartenaient à l'ancienne équipe du placer réussite. J'ignore ce qu'ils sont devenus depuis la catastrophe où j'ai failli perdre la vie. Un beau jour, ils sont arrivés ici sans que l'on sût d'où ils venaient, et je les ai engagés, car nous manquons toujours de bras. J'ai eu tort. Ils ont semé un commencement de désarroi en racontant les vieilles légendes de leur maman d'îlot. Vous savez combien les Noirs sont superstitieux. Ces racontars idiots ont jeté le trouble de tous côtés. Leurs sornettes ont obtenu d'autant plus de créances que les soi-disant emblèmes du vieux lutin guyanais ont fait leur réapparition accompagnés des bruits nocturnes entendus jadis. Soyez certain alors que nos ennemis ne sont pas loin. C'est bien mon opinion. J'affirme aussi qu'ils ont des complices parmi nos hommes. Enfin, pour finir, la production baisse depuis quelque temps. Nous sommes volés. Quelques vigilances que l'on déploie. La veille du jour qui a précédé votre arrivée, c'est-à-dire avant-hier, l'on a vu des Indiens rôder près de l'ancien placer. Nul n'a fait attention à leur présence, qui n'avait rien d'anormal. Mais pendant la nuit, un charivari intense s'est fait entendre, accompagné de coups sonores frappés sur les arcabas des arbres de la forêt. Le lendemain matin, une tête d'Aymara surmontant une fleur de Victoria Regia était accrochée à ce vieux panacocomore que je voulais depuis longtemps faire abattre. C'était bel et bien une déclaration de guerre. Je suis payé pour connaître la signification de ces emblèmes. C'est sous cet arbre que j'ai failli être assassiné il y a 6 mois. Les hommes éprouvèrent un moment d'indicible terreur, les Noirs surtout. J'arrivais, accompagné du chef mécanicien et des 3 chauffeurs, tous 4 Martiniquais. Je vis qu'un moment d'hésitation allait compromettre notre sécurité. Il fallait agir promptement et énergiquement. Je dis un mot au mécanicien qui partit en courant et revint presque aussitôt portant 2 cartouches de dynamite. 2 trous profonds furent creusés de chaque côté du tronc au ras du sol. Au bout d'une demi-minute, le squelette légendaire, broyé, fauché, disloqué à la base, s'écroulait avec un fracas qui domina le bruit de la détonation elle-même. C'est parfait. Je fus d'autant mieux inspiré que nous trouvâmes juste au point où s'arrêtèrent les ravages de l'explosion une cachette pleine d'or. Il y avait plus 1 kilogramme de métal amalgamé provenant de vols successifs. Le larron, vous le voyez, avait bien choisi ce lieu de recel, dont un reste de superstition défendait admirablement les abords. La chute du géant fut saluée d'un hourra retentissant, et les ouvriers reprirent le travail. Vous voyez, par ce rapide aperçu, quelle est la situation. Je ne doute pas que le tapage ne recommence cette nuit. Aussi vais-je me hâter d'expédier mes gaillards, dont le séjour prolongé de 12 heures pourrait constituer un danger réel. Que vous reste-t-il à faire? Payer ceux qui ont compensé le chiffre des avances, puis opérer dans leurs bagages une perquisition minutieuse. Tenez-vous beaucoup à cette formalité? Essentiellement. Je suis certain que ces 25 hommes vont essayer de nous enlever plus de 10 kilos d'or. Vous m'étonnez. Voulez-vous en avoir la preuve? Ce ne sera pas long. Le directeur appela aussitôt l'agent comptable et le pria de faire venir les hommes congédiés. Henri, Edmond, Eugène, Charles et Nicolas quittèrent les hamacs où ils faisaient la sieste et vinrent prendre place dans le grand cabinet de travail du directeur. Les 25 mineurs, groupés au dehors, attendaient l'appel de leur nom. Ils se détachaient un à un, touchant leur pécule s'il y avait lieu, recevaient leur livret et allaient en silence reprendre leur place. « Vous allez, reprit du ballon, prendre chacun 10 jours de vivres, puis, quand vous serez arrivé à Saint-Laurent, vous irez chez Chevalier, auquel l'un de vous remettra cette lettre. Chevalier vous rapatriera à Cayenne par une tapouille ou par le Dieu merci. Et maintenant, messieurs, veuillez m'accompagner au dégrade. Vous allez voir quelque chose de curieux. Prenez vos sabres et au besoin vos revolvers. Il y aura probablement quelques horions et peut-être une véritable bataille. Mais il nous est interdit de faiblir sous peine de perdre le fruit de nos travaux. » Les 7 blancs s'équipèrent à la hâte et arrivèrent au débarcadère. 3 grandes pirogues encombrées de bagarras, de hamacs, de couilles, de marmites, de giromonds, de patates, d'ignames, de bananes, étaient amarrées au rivage de la crique. Les voyageurs arrivèrent bientôt un à un, portant leurs provisions, causant et riant, sans même paraître s'apercevoir de la présence des blancs que la veille encore ils accablaient de politesse exagérée. Quand l'arrimage fut terminé, le directeur, avisant la première pirogue, interpella froidement les pagayeurs au moment où ils allaient prendre place sur les bancs. vous oubliez, garçon, que nous avons une dernière formalité à remplir. Que Saoul est mouché ? Demanda le patron de l'embarcation. Visitez ses bagages et m'assurez s'il n'y a pas parmi vous tous, que je considère comme de braves gens, bien qu'un peu mauvaise tête, quelques voleurs d'or. Oh, mouché ! Protesta vivement le noir. Nous pas volos, non ! Où qu'a gardé tout ça bagage là, oui, ou pas trouvé plus petit morceau d'îlot. Nous allons voir. Ayez donc l'obligeance, pour me faciliter la besogne, d'ouvrir ces pagaras et d'étaler leur contenu sur la terre. Les mineurs s'entre-regardèrent à la dérobée, puis obéirent sans rien dire, avec une célérité qui semblait du meilleur augure. Cette perquisition minutieusement opérée au milieu des nippes bariolées n'amena aucun résultat, à la grande joie des Robinsons qui voulaient croire à l'innocence de ces hommes. Du Vallon, toujours impassible, procédait avec méthode et faisait entasser à part ce qui était inventorié pour éviter toute confusion. La plupart des objets susceptibles de receler le fruit d'un vol avaient été rigoureusement examinés. L'écorce des giraumons n'offrait aucune solution de continuité, ayant pu servir à l'introduction du métal dans l'intérieur des cucurbitacées. Une perdrix en bois, rôtie à point et apportée au dernier moment, fut fendue d'un coup de sabre, sans qu'on aperçût dans la cavité thoracique ou abdominale la moindre parcelle d'or. Le sein doux, qu'il est si facile de fondre et dans lequel on peut incorporer quand il est liquide la poudre métallique, fut trouvé absolument pur. Les Noirs jubilaient et les Robinsons commençaient à trouver quelque peu ridicule le rôle que jouait leur ami. « Patience, leur dit-il, nous ne sommes pas au bout. »« Mais il n'y a plus rien, dit Henri, à moins que les hommes n'aient avalé chacun 1/2 kilo d'or, ce qui, entre parenthèses, leur pèserait sur l'estomac plus que sur la conscience. Je ne vois pas à quoi peuvent aboutir vos recherches, ni sur quel point elles peuvent désormais porter. Vous oubliez les fusils. Comment les fusils ? Dame ! Supposez que les 12 ou 15 fusils simples ou doubles soient remplis jusqu'aux 2/3 de poudre d'or maintenue par une bourre. Chaque canon peut facilement contenir 500 à 600 grammes. Mais ils sont trop rusés pour avoir employé ce vieux procédé depuis longtemps éventé. Essayons pourtant. Les propriétaires de fusils retirèrent sans se faire prier les baguettes et les passèrent dans les canons de façon à montrer qu'ils étaient parfaitement vides. « Vous voyez ?» interrompit bruyamment Charles. « Patience !» répéta imperturbablement le créole en prenant le fusil de l'homme le plus rapproché et en le soupesant attentivement. « Un autre !» Il prit un second fusil, puis un troisième, puis un dixième, sans aucun résultat. « À ton tour, compère !» dit-il à un jeune noir d'une 20aine d'années qui s'était obstinément tenu à l'extrémité opposée du dégrade. Le jeune homme tendit en hésitant son arme, et quelle arme ? Un vieux couloir à lessive, brun de rouille, emmanché à la diable sur un fût grossier, rafistolé d'un bout de ficelle, et qui semblait toujours prêt de se séparer en deux. Un léger sourire passa sur le visage du directeur. Le noir devint gris de cendre. « Tenez, mon cher Charles, vous avez vu sans doute des fusils de prix. » Mais je doute que vous en ayez jamais manié un qui value au bas mot 6 000 francs. 6 000 francs ? Mais je n'en donnerai pas 25 sous, le prix du fer. D'accord. Mais les 2 kilos d'or remplissant la crosse, préalablement évidée et creuse comme une boîte, puis soigneusement refermée avec la plaque de couche, augmente singulièrement la valeur de cet ustensile. Vous me stupéfiez. Du Vallon, sans mot dire, se mit incontinent à dévisser avec la pointe de son sabre les deux vis maintenant la plaque de fer à la base de la crosse. Puis, avisant un coulis qui se rendait au chantier en portant une battée, il prit le plat de bois, renversa le fusil de la crosse duquel sortit un morceau de poudre bien tassé, encore amalgamé, dont la valeur s'élevait au bas mot à 6 000 francs. « Eh bien, messieurs, que pensez-vous de l'aventure » demanda-t-il aux Européens plus attristés qu'indignés. « Oh, ce n'est pas tout, croyez-le bien. Cela ne fait que commencer. » Et vous allez tomber de surprise en surprise. Il n'y a rien de suspect dans les 2 premières pirogues, mais où je me trompe fort, où je vais découvrir la cachette dans la 3e. Je n'y vois plus que 4 tortues, embarquées comme provisions. Les pauvres bêtes placées sur le dos remuent désespérément les pattes, comme si elles avaient conscience du sort qui les attend. Ces estimables chéloniens me paraissent en effet bien malades, et vous allez être surpris en apprenant qu'ils sont malades d'indigestion. D'indigestion. Je vais sans désemparer mettre fin à leur souffrance. Hé, compé ! Dit-il en interpellant le patron dont les traits manifestèrent soudain une vive inquiétude. Bae mo satotila ! Non, mouché, mo pas pouvait. Nous gain satotila pour manger li, mo pas bolo, non. Nous verrons cela. Allons, dépêchons, les tortues. Mouchez, continua en patois le noir désespéré. Ces tortues ne m'appartiennent pas. Que voulez-vous en faire? Vous allez priver les pauvres noirs de vivre frais. Pas tant de raison. Je les prends et je les remplace par 20 kilos de bœuf, dit le directeur après être monté dans l'embarcation d'où il lança sur la terre les 4 tortues qui tombèrent lourdement. Là, c'est parfait. Je vais pratiquer l'autopsie, ou plutôt me livrer à une intéressante vivisection. Ce n'est pas la première fois que j'ai l'occasion de faire cette prospection à travers les viscères de tortues bourrées à éclater de poudre d'or. Ah, nos gaillards sont rusés, et c'est plaisir de lutter avec eux. Tenez, je vous le disais bien. Sachant que la tortue a la vie chevillée au flanc, ils ont introduit le produit de leur vol par l'orifice intérieur du tube intestinal de l'animal. Puis ils ont proprement cousu cet orifice, comme vous pouvez le constater, de façon à éviter la sortie prématurée du métal en poudre. Les tortues transformées en tirelire auraient vécu de la sorte 4 ou 5 jours, peut-être plus. Je vous laisse à penser, s'il eût été possible à l'œil le plus prévenu, de découvrir cette cachette diabolique, étant donné surtout que l'animal existe et se meut. Ces 4 tortues appartiennent à la grosse espèce et chacune d'elles renferme 2 kilogrammes d'or au minimum. Total, 8 kilogrammes enlevés à l'association. Les larrons furieux vociféraient comme un clan de singes rouges et nul doute que sans la présence des 6 Européens, ils eussent fait un mauvais parti au directeur. Celui-ci, sans se départir de son calme, entassait dans la bâtée pleine jusqu'au bord l'énorme monceau d'or amalgamé sans plus s'occuper de leurs cris. « Et maintenant, mes gaillards, allez-vous-en exercer au diable votre malhonnête industrie. Nous ne voulons pas de voleurs ici. » Le philosophe de la bande crut devoir protester. « Non, mouchet, nous pas volons, nous prends. Nous n'avons pas volé, nous avons pris. » Ce singulier argument fit sourire les blancs, non moins étonnés de la subtilité de ces drôles que de leur aplomb. « Cet or nous appartient aussi, » continua l'orateur. « Le bon Dieu l'a mis dans la terre pour le noir comme pour le blanc. » Nous l'avons pris où le bon Dieu l'a mis, nous ne sommes pas des voleurs. C'est vrai, reprit avec dignité le créole, l'or contenu de la terre appartient au noir comme au blanc. Nous sommes tellement pénétrés de cette vérité que tous nos travailleurs sont nos associés, ils participent à nos bénéfices, et vous n'êtes que plus criminels, vous qui volez vos compagnons de labeur. Allez! Au moment où le directeur prononçait ces derniers mots, un retardataire nu comme la main descendait lentement de l'habitation et s'apprêtait à prendre place dans une pirogue. Sa main gauche tenait un couille plein de riz cuit pendant que la droite opérait du bas à la bouche un rapide mouvement de translation. L'homme mangeait avidement à poignée. En voici un, dit en riant Eugène, qui ne semble guère se préoccuper de la différence qui existe entre prendre et voler. La simplicité de son costume éloigne d'ailleurs toute idée de recel. Qui sait ? Du Vallon tout songeur. « Je me défie toujours, et quand même. »« Hé, compé, » dit-il au noir, « que ça bagage là, tant que manger ?»« Ça dourit, » répondit-il d'un air idiot. « Ah, dourit, » reprit le créole en enlevant délicatement la calebasse qu'il semble accueillir. « Sacrebleu, il pèse diablement lourd, ton riz !» Le noir, stupide d'étonnement, demeurait cloué au sol. « Tenez, messieurs, voici le plus fort de la bande. » Celui-ci a trouvé un procédé jusqu'alors inédit. Son couille renferme également environ 2 kilos d'or. Le malin compère a eu l'ingénieuse idée de recouvrir la poudre avec ce riz qu'il absorbe de si bon appétit. 2 minutes plus tard, il embarquait et le coup était fait. Je crois qu'après celui-là, il faut tirer l'échelle. Eh bien, que dites-vous de l'aventure? Le coup était-il bien monté? Et ce fractionnement du produit du vol et les cachettes bizarres qui recelaient ces 12 kilogrammes d'or? Qu'en pensez-vous? Nos larrons ne se refusent rien. Du métal au premier titre, qui à 3 francs 25 centimes le gramme, produit la jolie somme de 39 000 francs. Ma foi, mon cher ami, si leur habileté me confond, j'avoue que votre sagacité me surpasse. Quel incomparable juge d'instruction vous feriez si vous n'étiez pas meilleur chercheur d'or? Cette expérience m'a coûté cher, croyez-le bien. Sachez d'autre part que malgré tout, nous éprouvons encore des pertes assez sensibles. Nous sommes incorrigibles. Ils volent quand même, et les Chinois charroyeurs leur servent de receleurs. Je ne puis rien faire pour prendre en défaut ces enragés magots qui avalent la poudre d'or et le mercure dont elle est recouverte, comme si c'était du couac. À moins de les traiter comme tout à l'heure les tortues, je n'ai pas encore trouvé un moyen pratique d'arrêter leur industrie. bon gré mal gré, je suis forcé de passer cela au profit et perte. Nous allons maintenant continuer notre visite. Votre présence contribuera à affermir les travailleurs honnêtes dans la voie du devoir et effrayer suffisamment ceux dont les résolutions chancellent encore. Le directeur avait de tout point raison. Son acte de vigueur à l'égard des hommes indisciplinés, sa pénétration à déjouer la ruse des filous et la vue des six Européens avaient produit la plus salutaire influence. La journée fut assez bonne. Aussi Robin, inquiet relativement à l'indisposition de sa femme, jugea-t-il à propos de faire partir séance tenante Nicolas pour l'habitation avec une escorte de six hommes absolument sûrs et armés jusqu'aux dents. Le Parisien devait rassurer Madame Robin sur l'état de son mari ainsi que de ses fils et rapporter aussitôt des nouvelles. Il suffisait de 10 heures pour accomplir ce double trajet. Le canot de papier devait depuis longtemps flotter sur les eaux du Maroni et les Robinson, rentrés à l'habitation, dissertaient encore sur les curieux incidents qui venaient de s'écouler quand les aboiements de Bob, le molosse noir, retentirent violemment. Fidèle à ses habitudes de prudence qui n'excluaient en aucune façon la bravoure, le bon animal ne quittait pas la salle à manger. Mais il expectorait tout d'une haleine, sa rauque série de hurlements en regardant du côté du dégrade. Du Vallon se dressa demi sur son hamac et regarda, cherchant à découvrir la cause de l'émotion de son fidèle gardien. « Tiens, » dit-il, « une visite. »« Une visite, » fit Henri. « Qui peut bien avoir la fantaisie d'une promenade à pareille heure et en pareil lieu ?»« Si je ne m'abuse, un Européen, accompagné de 2 Indiens. » C'est bizarre. C'est le premier étranger qui soit venu jusqu'à présent au Champ d'Or. Qu'il soit le bienvenu, jusqu'à plus ample information. Robin, ses fils et le directeur se levèrent pour recevoir l'inconnu qui suivait gravement et d'une allure compassée la grande avenue plantée de jeunes bananiers. S'il est permis de juger les gens sur la mine, l'extérieur du nouvel arrivant ne semblait pas annoncer un millionnaire. Un salaco grossier, en feuilles sèches de latania, couvrait sa tête, une mauvaise veste de toile bleue lacérée par les épines et un pantalon de même étoffe composaient tout son accoudrement. Un de ses yeux était couvert d'un bandeau et ses pieds nus semblaient profondément entamés par la marche à travers les bois. Il ne s'en avançait pas moins, droit, rigide, le cou en avant, les épaules effacées, sans perdre un pouce de sa taille et flanqué de ses 2 peaux rouges. Arrivé sous la véranda, il toucha de l'extrémité du doigt le rebord de son salaco avec ce geste hautain familier aux officiers de l'armée anglaise des Indes et laissa tomber négligemment du bout des dents cette formule de politesse. « Je ai l'honneur de saluer vous. »« Comment ? C'est vous, Master Brown ?» dit Robin, stupéfait. « Peter Paulus Brown, de Sheffield. Yes, sir. »« Eh bien, Master Brown, je suis heureux de vous recevoir. Soyez le bienvenu. »« Monseigneurie, remercie vous. » Puis, comme l'insulaire semblait, de son œil unique, chercher des visages absents, l'ingénieur, attristé soudain la pensée de la mauvaise nouvelle qu'il allait lui apprendre, reprit avec un accent de commisération « Vos enfants sont en bonne santé à l'habitation, située vers le haut du fleuve, mais, hélas, une terrible catastrophe a frappé leur pauvre mère. Disait, je écoute vous. » Mrs. Brown a succombé, malgré nos efforts, et en dépit des soins les plus dévoués. « Oh !» reprit-il, sans la moindre trace d'émotion. « Le Providence a rappelé à lui ce créature very beautiful, et moi, j'ai été le gentleman le plus infortuné de l'Angleterre. Si la douleur que doit vous causer cette perte irréparable... Yes, sir, yes. Un grand douleur. Je ne pouvais plus continuer le navigation de Moa. » Un cri d'indignation faillit échapper au Robinson à cette manifestation de monstrueux égoïsme. Le respect professé par eux pour les lois de l'hospitalité arrêta seul leurs protestations. L'anglais continua imperturbablement. « Cet pays, c'était détestable. Je avais perdu le carnet de chèques de Moa. Je étais sans crédit près du banque de la Guyane. Je n'avais plus de provisionnement. Je étais sans souliers. Les petites maringouines avaient piqué l'œil de Moa. J'étais une moribonde quand les peaux rouges ont trouvé moi et amené mon seigneurie près de vous. Qu'à cela ne tienne, Master Brown. Vos blessures seront pansées. Vous aurez des habits et tous les aliments nécessaires. Quant à la question d'argent et de crédit, ma caisse est à votre disposition. je vous offre telle somme que vous jugerez suffisante à votre retour en Europe. En attendant, reposez-vous, buvez, mangez et soyez sans inquiétude. Yes, sir. Dans 2 ou 3 jours, nous vous conduirons près de vos enfants. Yes, yes. » Pendant que les 2 Indiens, tenus en respect par les crocs de Bob, s'en allaient à la cuisine, conduits par un coulis, Master Brown s'installait sans façon à table, dévorait comme un boa famélique et absorbait du liquide comme si son gosier eût été une dalle de Suisse. L'insulaire, bien restauré par ce repas gargantueste, se vêtit sans maudire des habits neufs qu'on lui apporta, se chaussa d'une paire de bottes et s'allongea dans un hamac en homme qui digéra en paix ce qu'il a si bien mangé. La nuit vint bientôt, nuit de veille pour les Européens, qui ne dormirent que d'un œil et qui épièrent à tour de rôle les moindres bruits s'élevant du champ d'or. D'heure en heure, l'un d'eux, accompagné d'une escorte d'hommes en armes et précédé de Matao, faisait une ronde sur les terrains découverts, puis revenait à la case reprendre la faction. Peine inutile, les bruits mystérieux entendus 24 heures avant ne se renouvelèrent pas. Le placer conserva sa physionomie habituelle. Maman Dillo resta dans sa demeure liquide et ses adorateurs firent relâche. L'Anglais, que ses allées et venues n'avaient aucunement troublé, dormit un homme désireux de rattraper le temps perdu jusqu'à 9 heures du matin. Encore fallut-il le secouer vigoureusement afin de lui faire quitter le hamac pour la table. Bien que ce personnage leur fût profondément antipathique, les Robinson lui firent à son réveil l'accueil d'hommes hospitaliers. Le bourru orgueilleux, le maniaque égoïste, fut l'objet de toutes sortes de prévenances de la part des Européens, qui voyaient seulement lui le père des 2 jeunes filles, quelque indigne qu'il fût de cette paternité. Le déjeuner touchait à sa fin, quand des cris joyeux retentirent dans la direction du dégrade. Un signal bien connu fit bondir les jeunes gens et leurs pères qui sortirent précipitamment de table. Le sifflet du canot à vapeur déchirait l'air, pendant que de nombreux passagers noirs et blancs prenaient pied sur le rivage de la crique. Les Robinson reconnurent leur mère qui s'avançait lentement au bras de Nicolas. Près d'elle se tenaient les jeunes Mrs. accompagnées d'Ageda, pendant que Lomi, Bachelico et leur père, le vieil Angoso, s'élançaient plein de joie vers l'habitation. « Master Brown, dit à l'Anglais l'ingénieur, vous avez du bonheur aujourd'hui. J'avais envoyé prendre hier à l'habitation des nouvelles de vos enfants et de leur mère adoptive. Les voici qui nous les apportent elles-mêmes. » Peter Paulus, à ces mots, laissa, malgré son flegme, apercevoir une rapide et incompréhensible émotion. Il ne trouva pas un mot à répondre et demeura comme pétrifié. Madame Robin, Miss Lucy et Miss Mary rentraient en même temps sous la véranda. « Chers enfants, leur dit l'ancien proscrit, une bonne nouvelle peut être annoncée sans ménagement. Votre père est retrouvé. Tenez, le voici. » Il montrait, à l'autre extrémité de la table, Peter Paulus atterré, qui, loin de se précipiter dans les bras de ses enfants, semblait au contraire vouloir s'enfuir. Cet original ne faisait rien comme un autre. Il fit un brusque mouvement et son bandeau tomba, laissant à découvert un œil parfaitement sain. Les 2 jeunes filles poussèrent un cri de terreur. « Ce n'est pas lui !» firent-elles épouvantées. « C'est le faux prêtre !»« Le faux capitaine, mon voleur !» hurla Grondet, qui descendait également du canot. L'inconnu, sans perdre la tête, s'arc-bouta sur le sol et, saisissant l'énorme table de Mutushi, la renversa comme une barricade entre lui et les Robinson. Puis, s'emparant d'un sabre laissé par mégarde sur un meuble, il s'élança au dehors, traversa en 3 bonds l'espace découvert et s'enfonça dans la forêt avant que les spectateurs de cette scène inouïe aient eu le temps de faire le tour du bâtiment. Blanc et Noir les s'élançaient à sa poursuite. Robin les arrêta d'un mot. « Que personne ne sorte ! Cet homme n'est pas seul. Il vous conduirait un péril mortel. » On s'apercevait en même temps de la disparition des 2 Indiens.